Selon le journal d'internet sud-coréen Tongelius, diverses organisations ont livré le 4 sur la place de Gwanghwamun à Séoul un meeting commémoratif national des martyrs nationaux démocratiques et des victimes. Les orateurs ont indiqué que le gouvernement de Bakounet piétine impitoyablement l'âme des martyrs nationaux démocratiques qui ont lutté pour fonder le berceau de la vie à la place de l'enfer et déclaré de déraciner la racine d'une telle dictature.